tu dors, mes 23 printemps. Le flow râlant, la voix diamant et le rap à plein temps. Apparemment le moche ne navigue pas dans les mêmes eaux. Mon scud est une masse qui te fracassera les os. Tes oreilles ont tilté, ta chaîne IFI va s'y plier. Coup de théâtre est à dispo chez tous les revendeurs de CD. Tu sais, j'attends pas le succès, je continue de trimer. Déprimé je suis, je reste quand plus d'aspi c'est mon comprimé. Je vois bien c'est clair, j'ai de gros progrès à faire. Quand je vois le niveau, ben peut-être que je me dis que je ferai l'affaire. Je le répète si souvent, cette année n'est pas primordiale. J'ai choisi mon camp, je suis contre ceux qui prient le mondial. Mon emblème au-dessus d'une armée de l'armée. Le même problème de tête, sérieux, il me faut l'arrêt du psy. La plaie se durcit, on n'arrête plus les gendarmes. La plaie se grossit, on n'arrête plus les gendarmes. Je dois pas lâcher le pleura, au moins pour mon karma. Pour ma bifa, pour mes straps, pour la net pas pour les scars. Là, je dois pas lâcher le combat, au moins pour mon aura. Pour tous ceux qui feront qu'un jour, le monde on le sauvera. Je dois pas lâcher le pleura, au moins pour mon karma. Pour ma bifa, pour mes straps, pour la net pas pour les scars. Là, je dois pas lâcher le combat, au moins pour mon aura. Pour tous ceux qui feront qu'un jour, le monde on le sauvera. J'avance le cœur blindé, le corps, la voix armée. Je souhaiterais laisser une trace comme dans le ciel pour la voie lactée. Frère, changerai pas, toujours les mêmes grottes glaciales. Le même stock de grosses faces reste à ce jour inépuisable. T'attends déjà avec impatience mon second opus. Une sueur froide à 20 titres, un maxi qui en jette plus. Sérieux, je m'en bats les couilles de percer, moi j'ai mon taf. Et ouais, j'ai des liens solides, pas de corruption dans mon staff. Je te cacherai pas que ce freestyle, j'ai les poumons atrophiés. Je suis pas un cum qu'à tout fait, mes rimes tendent à étouffer. Je reste authentique dans le moindre fais des détails, le son détale, ma voix étale. Et pendant ce temps, les autres pédales. Frère, la vie fonce trop vite, j'ai dû y mettre un coup de patin. Un matin, tu as tout, le lendemain, même pas un bout de pain. Je crois pas au destin, le seul maître de ma vie, c'est moi. Foi contre loi, j'ai le courage sur le papier de salir les doigts. Je dois pas lâcher le pleura, au moins pour mon karma. Pour la mifa, pour mes straps, pour la net plat, pour les scars. Là, je dois pas lâcher le combat, au moins pour mon aura. Pour tous ceux qui feront qu'un jour, le monde on le sauvera. Je dois pas lâcher le pleura, au moins pour mon karma. Pour la mifa, pour mes straps, pour la net, pas pour les scarlages. Je dois pas lâcher le combat, au moins pour mon aura. Pour tous ceux qui feront qu'un jour, le monde on le sauvera. Mon avenir est un casse-brique perdu dans les cloisons d'un labyrinthe. Étant jeune à l'école, on te feinte à la fugue dans le labyrinthe. J'ai pas misé sur le disque, je veux pas de pression inutile. J'ai pas mixé les pistes pour t'entendre l'agression ultime. Ça sent fort, j'ai flambé mes boudins de rime à l'eau écarlate. Le débat claque, prépare-toi mondialiste, je vais semer la débâcle. J'ai des mètres carrés de solutions, des sujets appuyés d'arguments. Constat de détournement, d'argent, de moyens, monnayant un armement. Mon globe galère comme un cycliste en cotraine. Cette année était noire, trop de frères et sœurs sont DS. C'est malheureux. L'homme et ses saccages, un animal, une bête féroce, un prédateur à mettre en cage. En conclusion, je dirais que j'ai faim et besoin d'expérience. Le rap m'a fait chaud, on vire à deux, on se capte en silence. Bref, je lâche le mic et retourne à mes concessions. Cette année, soyons clairs, je ne ferai pas de concessions. Je dois pas lâcher le pleura, au moins pour mon karma. Pour ma mifa, pour mes straps, pour la net pas pour les scars. Là, je dois pas lâcher le combat, au moins pour mon aura. Pour tous ceux qui feront qu'un jour, le monde on le sauvera. Je dois pas lâcher le pleura, au moins pour mon karma. Pour ma mifa, pour mes straps, pour la net pas pour les scars. Là, je dois pas lâcher le combat, au moins pour mon aura. Pour tous ceux qui feront qu'un jour, le monde on le sauvera. On le sauvera.